Section 92 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 92. Idées et sensations, par Edmond et Jules de Goncourt. Les anciens endroits de fête et de plaisir comme Saint-Cloud ont la tristesse des hommes qui se sont beaucoup amusés. C'est après dîner que l'homme a le plus d'idées. L'estomac rempli semble dégager la pensée comme ces plantes qui suent instantanément par leurs feuilles l'eau dont on a arrosé leur terreau. Une jeune personne disait devant moi, « On est heureux que quand on dort ou quand on danse. » On est dégoûté des choses par ceux qui les obtiennent, des femmes par ceux qu'elles ont aimés, des maisons où l'on est reçu par ceux qu'on y reçoit. En province, la pluie est une distraction. La femme a été constituée par Dieu, la garde malade de l'homme, son dévouement ne surmonte pas le dégoût, il l'ignore. L'homme est humain, la femme dévouée. La misère a ses gestes, le corps même à la longue prend des habitudes de pauvre. Le rire est le son de l'esprit, de certains rires sonnent bêtes, comme une pièce sonne faux. La femme n'aime que ce dont elle souffre. Fin de la section 92, lue par Sophie France à Veules-les-Roses en décembre 2024.